Bonjour, ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Au nom des citoyens de Normandin, je suis très fier de féliciter M. Gilles Bouchard, un Normandinois d'origine, actuellement entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda, pour son magnifique travail. Je voudrais également le féliciter pour son titre d'entraîneur-chef et de directeur général de l'année de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Les citoyens de Normandin sont très fiers de M. Bouchard et nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite des choses. Merci. Nouvelle pour les gens de Ville-Saguenay, puis d'un peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'on a vu des jeunes de Dolbeau-Mistassini, on a vu des jeunes de Robertval tomber dans la fièvre des Marquis de Jonquière lorsque Richard Martel a été nommé entraîneur-chef pendant les séries éliminatoires. Et hier, on a annoncé au Saguenay qu'il revenait à la barre de l'équipe pour un contrat de 3 ans, un contrat d'un an et 2 années d'option. On lui parle. Salut Richard. Bonjour. Richard, d'abord, jusqu'à quel point c'était important d'amener de la stabilité et régler ça le plus tôt possible si tu revenais avec l'équipe? Écoute, c'est important. D'abord, j'ai beaucoup aimé mon expérience en fin d'année. Donc c'est ça qui ça a déclenché dans moi une certaine motivation à prendre cette équipe-là. Parce que je me suis aperçu que c'est du bon hockey et que ça peut devenir très intéressant, bien sûr, si la Ligue fait quelques améliorations sur certains règlements. Ça peut être une ligue là qui devient populaire. Je crois que le timing est là pour ça. Ensuite, c'est la réponse des gens. C'est bondé de gens au palais des sports. Puis tu sais, c'est comme si ça fait chaud au cœur. Les gens, c'est comme s'ils voulaient me voir diriger. Puis ça m'a donné beaucoup d'adrénaline, de motivation. J'étais content. Alors c'est pour ça que je dis, tu sais, avec la réponse des gens qu'il y a eu et tout ça, puis. La communication aussi avec les joueurs de cet âge-là, puis c'était du fun. C'était vraiment intéressant parce que c'est tous des joueurs que j'ai dirigés contre eux lorsqu'ils étaient junior majeur. Puis là, ils reviennent ici pour jouer. Alors, j'ai aimé beaucoup le contact avec eux. C'est ça qui m'a fait dire qu'il faut que j'essaie de l'avancer. Okay. Par contre, j'ai signé un contrat de 1 an plus 2. Ça veut dire qu'après cette année, là, s'il y a des choses que j'ai vraiment pas aimées, ben, je vais pouvoir me sortir de mon contrat. Ça, c'est certain. Mais parce que je veux absolument que la Ligue, comprends-tu, sa crédibilité s'améliore, puis je vais m'investir aussi dans. OK. Richard, se sentir désiré par l'organisation puis par les partisans. S'il y a des gens de Dolbeau-Mistassini, là, tu sais, Jonquière, je peux comprendre, mais Dolbeau-Mistassini, Robertval, Saint-Félicien, lorsque tu as été nommé entraîneur-chef, qui montait de voir, là. C'est pas juste Jonquière, le Saguenay, c'est ici aussi. Ouais. Sentir désiré par les amateurs de hockey de la région. C'est pas mal. Les amateurs de la région, ça doit être quelque part intéressant aussi. Là. Puis ça doit motiver à revenir. Ben, tu me dis ça. Là. Moi, je suis tellement content que tu me dises ça parce que j'ai joué mon hockey junior à Métabetchouane. Je connais très bien Jean-Paul Jumaël qui vient de Métabetchouane. Je sais que l'entraîneur, M. Lavigne, dans ces années-là, était à mort. J'ai toujours aimé le lac, hein. Je suis allé à Robertval aussi jouer. Tu sais, les gens du lac Saint-Jean, là, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas parce que les autres, c'est différent, mais c'est des vraies personnes dans le lac Saint-Jean. C'est des personnes qui. C'est ça que je trouve tout le temps. C'est des gens quand même, là, qu'on parle avec eux autres, on a leur juste. C'est bien, bien le fun. Puis comme tu me dis ça aussi, puis ce que Marc Boivin me disait, il y a à peu près 23% de notre crowd qui vient du lac Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est vraiment intéressant. Et ce que tu me dis, là, moi, je ne peux pas être plus heureux que ça. Hein. Si les gens viennent, je peux dire qu'ils ne seront pas déçus, hein, parce que l'an prochain, là, il y aura du spectacle. Là, oui. Justement, si on parlait, je veux améliorer la crédibilité de la Ligue. Sur quoi que tu veux améliorer la crédibilité? L'arbitrage, c'est sûr. C'est surtout les débordements. Hein. C'est que... Pour que la crédibilité s'améliore, il faut que la réglementation soit un petit peu plus sévère. J'ai entendu dans le passé un joueur qui débarque du banc de punition, qui tire une chaise dans les estrades. Tu sais, des affaires comme ça, là. Faut pas que ça arrive à ça. Faut que t'aies une amende, faut que t'aies une suspension sévère. Qu'est-ce qui fait que ça récidive toujours ces affaires-là? C'est qu'au départ, les sanctions sont pas assez sévères. Quand le gars, il fait une affaire de fou, puis qu'il sait qu'il y a 2 games ou 1 game, il va le refaire. Okay. Quand un joueur fait quelque chose là qui a aucun rapport, qui est suspendu 10 matchs, avant de le refaire, il va y penser. Alors c'est souvent des choses qui reviennent dans cette ligue-là, qui est comme il reste 3 secondes au match, c'est 8-1 pour Jonquière, admettons. Alors, l'équipe adverse, il envoie toutes ses fiers à bras pour essayer de changer quelque chose. Et puis là, ça vire en... C'est des choses comme ça, moi, qui m'intéressent plus ou moins. Moi, je suis pas un puriste, là, tout le monde le sait, parce que ils m'ont connu dans des grosses rivalités avec Québec. Mais moi, qu'est-ce que j'aime? C'est l'intensité. Qui fait en sorte que l'intensité devient tellement grande que les joueurs, automatiquement, là, ils se mettent dans des situations où, parce que des fois, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils lâchent les gants, puis il faut qu'ils règlent leur compte avec les bons joueurs. Les bons joueurs avec les bons joueurs. Puis quand ça joue avec intensité maximum, comme on a vu vers la fin, ben le spectacle est aussi bon que quand tu vois deux joueurs qui sont calés, ils vont se battre au milieu de la patinoire. Mmh. Pas parce qu'il n'y a pas d'affaire à avoir de bagarre, loin de là. Parce que la Ligue nationale accepte ça. Ça fait partie du sport. Moi, je dis toujours que tant que la Ligue nationale abolira pas ça, ben, il faut qu'il y en aille. Les noms juniors, ils veulent l'abolir. Bon, peut-être qu'à cause des joueurs en bas de 18 ans, c'est une autre affaire, mais on a le modèle de la Ligue nationale en pleine face. Alors, moi, je pense que s'ils l'acceptent, c'est permis. Hey, Richard, tu as parlé aussi, tu as dirigé longtemps dans le hockey junior. C'est quoi la plus grosse différence pour diriger un joueur de la Ligue nord-américaine puis un joueur junior? C'est pas la même affaire, là. Là, tu t'adresses à des adultes de 30, 35, 40 ans puis qui travaillent, tandis que des juniors, ils ont un but, évidemment, c'est d'atteindre la Ligue nationale ou atteindre le hockey en Europe. C'est quoi la plus grosse différence là-dessus? Ah, c'est la différence est énorme. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Je vais essayer d'être assez juste dans ce que je vais dire. T'sais, les joueurs qui sont rendus dans la Ligue nord-américaine, ils ont été dans le professionnel, ils ont passé par le junior majeur, parce que tu sais que c'est à peu près 80% des joueurs. 80-90% des joueurs dans cette ligue-là proviennent du junior majeur. Donc, après avoir été repêché, avoir été dans la East Coast, Ligue américaine, jouer 10 ans en Europe, comprends-tu? Alors, ils ont tout fait ce cheminement-là. Quand on leur parle, ils savent de quoi qu'on parle. Le junior, là, à 16 ans, là, quand on lui dit, là, il faut que tu sois bon dans les deux sens de patinoire. Le jeune, il dit, je suis correct, mais il le fait pas. Parce que son agent, il dit de faire beaucoup de points, puis tu vas être repêché si ça. Alors, lui, il ne fera pas. Mais à un moment donné, tu sais, il va peut-être aller dans East Coast, aller dans la Ligue américaine, puis plus tard, il va s'apercevoir que il avait décidé au junior de jouer de cette façon-là, puis il n'a jamais connu le succès qu'il pensait avoir. Mais ces joueurs-là qu'on a, qui reviennent, là, ils ont tous vécu ça. C'est tous leurs défauts, là. Déjà, d'autres personnes, là, à 22, 23, 24 ans, ont travaillé sur les points améliorés. Alors, quand ils arrivent chez nous, comme cet hiver, moi, je parlais d'ajustement. Le gars, ça va tout de suite. Il n'y a même pas un qui s'est fini. Il ne baissait même pas la tête. Tu sais, quand je disais, faut que tu complètes tes mises en échec. Le gars, il a 30 ans, là. Il a dû se faire dire 50 ans, là. Tu sais, ça fait que tout de suite, c'est un refresh qu'on lui donne, puis le gars, il capte tout de suite. Puis, en plus de ça, ces joueurs-là, ils ont de l'expérience de la vie. T'sais, ils ont des enfants des fois. Ils sont mariés. Ils connaissent la vraie vie. Ils vont travailler. Alors, donner l'effort sur la patinoire, là, ils savent encore qu'ils sont privilégiés parce qu'eux-mêmes travaillent à longueur de semaine. Des fois, ils se lèvent à 6 heures du matin puis 7 heures. Ils savent quand même qu'ils sont privilégiés à jouer au hockey. Le joueur dans le junior, il ne sait pas qu'il est privilégié. Des fois, il trouve ça dur, jouer à l'école. T'sais. Alors, on n'a pas besoin, avec cette clientèle-là de la Ligue nord-américaine. C'est là que je te dis que c'est extraordinaire. En plus de ça, l'entraîneur, il dirige pas ces joueurs-là comme des juniors. T'sais, parce que souvent, quand t'es junior, t'sais, moi, je prends l'exemple d'Antoine Roussel, il est rendu à Ligue nationale. Je l'ai dirigé 3 ans, 4 ans. Là, il me dit, 2 ans passés, là, je comprends, Richard, pourquoi tu me disais telle affaire quand j'avais 17 ans. Il dit, je comprends pas. T'sais, pour moi, c'était pas important. Il dit, aujourd'hui, je vois les détails, je vois tout ça, puis c'est comme ça. Alors, tu sais, c'est pour ça que des fois, c'est ça que je trouve que c'est intéressant. C'est une autre affaire. Je dis pas que c'est plus fun ou pas le fun. C'est une autre affaire. Moi, je suis rendu là. Ça fait 4 ans que je travaille avec des professionnels. Là, je suis en Europe. Richard, si on parlait de l'équipe maintenant, comment tu prévois-tu gros... Si on parlait de l'équipe, est-ce que tu prévois beaucoup de changements? Ils ont fini en première position avec le groupe de joueurs. Okay. C'est certain que ça dépend aussi des joueurs qui vont être prêts à venir. Ça dépend des joueurs qui vont être sur le marché. Mais moi, j'aime un petit peu de changement. Ouais. Moi, ça fait des 2 dernières années, là, cette équipe-là s'est fait éliminer en demi-finale. Okay? Peu importe tout ce qui est arrivé, le changement de coach, tout ça, mais ils ont gagné 2 ans consécutifs. Les 2 dernières années, ils ont terminé en demi-finale. Ils sont fait éliminer. Donc, moi, je pense faut mettre un petit peu notre grain de sel, faire quelques changements. Ça, qu'est-ce que ça fait, ces quelques changements-là? Là? Ben, ça sort un petit peu les joueurs de leur, un petit peu de leur confort. Mmh. Parce qu'il y en a qui sont déjà années qui sont là. Ça amène aussi de la nouveauté. Ça amène aussi des fois de la fraîcheur. Un autre dynamique qui se crée. Alors, tu vois, là, puis ensuite de ça, l'entraîneur, c'est certain là que chaque entraîneur a son style de joueur qu'il préfère. Alors moi, c'est sûr que au niveau de comment je te dirais ça? J'aimerais peut-être des joueurs, je dis pas que j'en ai pas, mais si on peut rajouter de la grit, de la grit, des joueurs intenses qui jouent un petit peu plus physique, qui sont un petit peu plus dérangeants. Alors, c'est certain que moi, j'aimerais mieux ça. Des gars comme Roussel dans ces années-là, des gars comme Michael Tan, qui joue au Rempart de Québec. On a connu ces petites pestes-là. Alors, puis aussi qui sont capables de jouer un petit peu plus la game physique au niveau de mise en échec. Je voudrais qu'on soit un petit peu plus physique au niveau des mises en échec. Okay. Alors, c'est certain que c'est pas mauvais à venir jusqu'à maintenant. Si on est capable d'ajouter un petit peu de ça, ça va être encore plus spectaculaire, ça va être encore plus intense, on va sentir encore plus l'électricité. Alors moi, c'est sûr que t'as des sports pleins, là. Il y avait une ambiance électrique, là, le dernier match, le dimanche, c'était tout en terre. Parce que le vendredi, quand j'ai mis les pieds en arrière du banc, là, c'était nouveau pour tout le monde. Il y avait de l'émotion. Pas vu. Moi, mes joueurs ne savaient pas tout à fait comment se comporter. Moi, de mon côté, je connaissais pas tous les joueurs. Dès le lendemain, là, c'était tout. C'était plus facile. Puis le dimanche, j'ai senti comme dans les belles années où je dirigeais ici au Saguenay, là, à Chicoutimi, j'ai senti la même chose. Moi, je pense qu'on peut reproduire ça, là. On peut le reproduire. Ouais. Parce que ça colle de ligue-là, là, a pris un peu de popularité cette année, puis on va essayer de la continuer. C'est sûr que j'aurais bien des j'aimerais ça reparler de ça parce que Richard, tu vas être probablement, si la ligue est intelligente, tu risques d'être le gars de marketing. Tu risques d'être le Patrick Roy de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant des années dans la Ligue nord-américaine. Donc on pourra prendre ce sujet-là, mais je veux t'amener ces joueurs encore. D'un changement. T'as des contacts en Europe, Richard. Donc, j'imagine que... Ouais. Puis, il y a plusieurs joueurs qui viennent de l'Europe dans cette ligue-là. J'imagine que t'as une idée des joueurs que tu vas approcher, là. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire, là, si la ligue prend un petit peu plus de crédibilité? Ouais. Ces joueurs-là qui sont en Europe puis qui veulent pas revenir au Québec, là, si la ligue, là, de bouche à oreille, les joueurs disent, hey, on peut jouer du hockey là-bas, ça peut... on n'a pas peur d'être à la glace, de se faire taper par en arrière, par quiconque. Alors, ces gars-là vont venir plus rapidement. Là, présentement, c'est le mot qui se passe. Là, c'est certain qu'il y a des joueurs en Europe que je connais. C'est certain qu'il y a des joueurs... C'est comme un Nicolas Blanchard, là, qui est à Saint-Georges-de-Beauce. Si je suis dans la ligue l'an passé, je ne suis pas sûr qu'il va à Saint-Georges-de-Beauce. Ouais. Je pense qu'il vient à Chicoutimi. C'est sûr. Un gars comme Francis Véropol, je pense qu'on se connaît, on est capable de se parler. Je pense qu'il y a des chances qu'ils viennent encore plus, à mon avis. Alors, c'est certain, là, quand tu diriges des joueurs, ou il y a des joueurs aussi, j'ai dirigé contre dans le junior majeur, qui sont possiblement. Il y en a certains qui sont curieux de savoir quel genre d'entraîneur que je suis. Alors là, ils ont la chance peut-être de jouer pour les Marquis, pour nous autres. Parce que je suis en place, on ne sait jamais. Alors, Richard, parce qu'on a eu des téléphones jusqu'à maintenant, puis on est surpris. On est surpris des noms. Je vais te parler, Richard, d'un gars ici, parce que au Lac Saint-Jean, je t'appelle de Dolbeau-Missisny, il y a un gars de Normandin qui a joué à Syracuse cette année, qui a compté 5 buts, puis moi, j'ai été chanceux, tu dois vouloir venir, il me semble qu'il marcherait bien dans la Ligue nord-américaine, je parle de Philippe Paradis. Okay. Est-ce que Philippe Paradis pourrait intéresser Richard Martel? Ah ouais. Ah ben, écoute, c'est un bon joueur, là, OK, c'est certain. Mais c'est sûr qu'il pourrait intéresser Richard Martinet. Puis c'est là que les joueurs, tu sais, les joueurs, comme ils se sont améliorés certainement des places, on les voit. C'est Philippe Paradis, là, dans le junior majeur, il était repêché en deuxième ronde. Fin de première ronde. En 2009. Écoute. Puis là, il y a de la misère à grimper en haut, hein. Il y a de la misère à se rendre. Il y a de la difficulté à se rendre. Alors, c'est certain que ces joueurs-là, ils ont vécu des choses. Là, la porte de la Ligue nationale, je ne sais pas, tu me sors un nom. Lui, là, ça fait, il n'est vraiment pas réussi sa carrière dernièrement. je le sais que lorsqu'il était à Shawinigan, il jouait contre nous autres. C'est un joueur que je demandais de voir mes dépisteurs. Comment ça fait qu'il nous a passé en dessous des pattes de ce gars-là? Je m'en souviens. Je sais qu'il a fait une belle carrière junior. Mais regarde, vois-tu? D'accord. Justement, un gars comme ça, qui se ferme la porte en haut, je ne sais pas, il va-tu aller en Europe après? C'est là, là. Ça, c'est des joueurs potentiels. Il doit être rendu à quoi? 20 ben, Philippe, ben, il avait deux. Il était repêché en 2009. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai déjà été surpris l'année passée qu'il y a eu. Tu sais, ça ressemble à ça. J'ai été très surpris que le Lightning était pas bien. Mais là, lui, peut-être. J'ai été très surpris, Philippe, Richard, que Philippe Paradis ait contrôlé l'an passé. J'étais sûr, moi, qu'il était dans la Ligue américaine, qu'il finirait dans la Ligue nord-américaine l'an passé. Okay. Puis finalement, ben, il était dans la Ligue américaine cette année, compté 5 buts en 49 matchs. Fait que c'est sûr. Puis tu sais, Richard, ça fait longtemps que tu suis hockey comme moi. Quand il y a une fenêtre pour un joueur, quand la fenêtre se ferme, c'est bien dur de la rouvrir. Puis je pense, dans le cas de Philippe, malheureusement, pour la Ligue nationale et même la Ligue américaine, ça va être difficile, mais pour la Ligue nord-américaine, moi, je le vois avec les Marquis. Puis c'est un produit régional, donc... Oui, absolument, accepté. Philippe, peut-être qu'il va aller jouer en Europe Ça dépend. Mais ce sera... Parce que, tu sais, en Europe, là, dans la Ligue de l'Allemagne et tout ça, il y a de la bonne argent à faire. Par contre, c'est une Ligue qui joue fort, là aussi. Je ne suis pas certain qu'il ferait sa place là-bas, parce qu'il y en a qui pensent, après la Ligue américaine, qu'ils s'en vont tout de suite en Allemagne. Je vais te donner un exemple. Moi, qui s'appelle Sauvé, là, le jeune Sauvé, là, le fils de Jean-François c'est pas, Sauvé. C'est pas Philippe cas, Sauvé? Qui, ouais, qui c'est pas Boston. Philippe? Il a joué c'est pas Philippe Sauvé? Maxime, OK. Maxime, il a terminé dans la Ligue américaine. Après ça, il est allé jouer en Belle, dans la Ligue d'Allemagne. Il pensait que c'était facile. Il n'a pas progressé du tout. Alors là, il attend un autre contrat. C'est juste pour te dire que c'est pas toujours facile l'Europe, mais c'est un avenue pour lui. Philippe, c'est ça. Mais ça dépend si lui veut revenir. Ouais. Ça dépend toujours du choix. Lui, s'il dit je ferme la porte là, à la Ligue nationale, c'est assez. Je me promène dans la Ligue américaine, ça ne se couche cette année. East Coast League, Ligue américaine. Alors peut-être que lui va décider, là, je retourne chez nous. Je vais jouer du hockey chez nous. J'aime la région, tout ça. Je vais te donner un hint, je pense qu'il serait revenu à Normandie, parce que la saison des Crows de Syracuse est terminée, puis c'est quoi, je te donne un hint, Michel Charles, c'est peut-être un joueur peut-être à regarder, du côté des... Absolument. Richard, gros merci, on va se reparler sûrement durant la saison, puis j'aimerais ça te parler de la Ligue au complet, puis de marketing, puis ainsi de suite au cours de la prochaine été. C'est sûr, je t'aime bien, toi, là, c'est la première fois. Non, je t'ai parlé avec les 5 liens. Oui, avec les 5 liens de Scoutimi. Ah, ouais, je m'en souviens pas. Un gros merci, Richard. Richard Martel, l'instructeur-chef des Marquis de Jonquière.